FAMAS, le coup. Yeah, 13-0-13. Vas-y, envoie l'instru que je lance au top départ. Relique revient en force, même si tu t'y attendais pas. J'ai relancé ma rime car j'ai du lourd à balancer. Sois pas jaloux, petit joueur, si je t'ai stoppé dans ta lancée. Si je t'ai fait du mal, je l'ai fait volontairement. Certains sont tellement chauds qu'ils prieraient pour mon enterrement. Moi c'est Relique, aka la rime du diable. Et puis les femmes sont toutes des chaînes, y'a que les putes qui ont du charme. Tu veux tester, vas-y rentre dans l'arène. Et si le rap était une pute, avec ta mère en serait la reine. Arméniano, j'oublierai pas mes racines. Et si le rap c'est la folie, faudrait m'interner à l'asile. Tu m'as dit que ma tête up était trop grande. Que ton tonton tapait des sexes, pas par webcam mais par trois grandes. 1, 2, 3, 4. Viens rentre dans le 13, d'où ça insulte les stars. On arrive en balle, on n'a pas la gale. Oui on a la dalle, si le rap est une compète, alors je prendrai la gagne. Écoute mes rimes qui viennent te casser les parties. S'il y a pas thème, ne t'affole pas, on te fait triper, allez c'est parti. On arrive en balle, on n'a pas la gale. Oui on a la dalle, si le rap est une compète, alors je prendrai la gagne. Écoute mes rimes qui viennent te casser les parties. S'il y a pas thème, ne t'affole pas, on te fait triper, allez c'est parti. J'ai pris la route du rap comme un autoroute. A 220, personne pourra me mettre des bâtons dans les roues. J'racasse les portes blindées, la rue m'a délégué. J'arrive calibré, j'pourrais même t'apprendre à cabrer. J'espère avoir une chance de m'en sortir. J'suis le pire de tes cauchemars, pour le meilleur comme pour le pire. J'ai agressé le rap comme un vol à l'arraché. J'ai le flow qui pourrait te faire valser un sanglier. J'suis arrivé en provenance, la République tchèque. J'ai les pays de l'Est dans le sang, j'ai pas le flow de Kenny West. J'débute à peine, écoute frère, j'ai 19 piges. J'en ai rien à foutre de ce que tu passes, est-ce que tu piges. Moi je veux des liasses, c'est plein de pétards. J'suis vaillant, j'suis pas une pute. J'aime la casse, écoute, on t'envoie la race. Rêve de toucher le salaire de Ronaldo. Poto comprend pourquoi, maintenant on ouvre des réseaux. On arrive en balle, on n'a pas la gale. Oui on a la dalle, si le rap est une compète, alors j'prendrai la gagne. Écoute mes rimes qui viennent te casser les parties. S'il y a pas thème, ne t'affole pas, on te fait triper, allez c'est parti. On arrive en balle, on n'a pas la gale. Oui on a la dalle, si le rap est une compète, alors j'prendrai la gagne. Écoute mes rimes qui viennent te casser les parties. S'il y a pas thème, ne t'affole pas, on te fait triper, allez c'est parti. Eh, hey, lâche l'affaire si tu pars à l'école à pas frère. Garde la pêche, c'est pour ta mère, tu pars à la gratte. Photo en 2009, je te mets le feu, faut s'inquiéter. PD mon rap, elle s'inquiète pas, mais prépare-toi pour cet été. J'ai posé avec Izito, pas pour ça que je vais mieux. Mon rap n'a pas changé, j'ai toujours ce côté ingénieux. Vas-y, c'est là, constat, débat. Petite pédale dans le rap, j't'étale. J'm'imagine à haute affiche avec la sauce. Brolic, dealer, que dans le 13, on envoie la sauce. 13, 14, 15ème, viens voir les groupes qui s'enchaînent. Et quand les Schmitt nous arrêtent, regarde, ils nous enchaînent. C'est mon premier featuring, j'me sors tout du ring. Les faux MC, j'les avale tout cru, regarde, j'suis le king. J'ai le 13 qu'on matricule, j'ai l'accent quand j'articule. Pas encore connu, m'en bats les couilles, je t'encule. On arrive en balle, on n'a pas la gale. Oui, on a la dalle, si le rap est une compète, alors j'prendrai la gagne. Écoute mes rimes qui viennent te casser les parties. S'il y a pas thème, ne t'affole pas, on te fait triper, allez c'est parti. On arrive en balle, on n'a pas la gale. Oui, on a la dalle, si le rap est une compète, alors j'prendrai la gagne. Écoute mes rimes qui viennent te casser les parties. S'il y a pas thème, ne t'affole pas, on te fait triper, allez c'est parti.